Alors que ce matin, le président de la République se rend, comme il l'avait promis, sur le site de Florange et que la semaine prochaine, le grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier créé par Jean Métron fête ses 50 ans, eh bien la Fabrique de l'Histoire vous propose une semaine sur l'histoire des ouvrières et des ouvriers. Demain, le documentaire de Cyrine Yatar et d'Anne Fleury donnera la parole aux ouvrières du textile qui, près de Nancy, firent grève au tout début des années 70. Mercredi, nous ferons le point sur cette grande entreprise éditoriale et historique qu'est le dictionnaire du Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Jeudi, nous donnerons la parole aux historiennes et aux historiens qui travaillent aujourd'hui sur les enquêtes ouvrières menées tout au long des 19e et 20e siècles. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevrons d'abord en duplex depuis les studios de Radio France à Saint-Étienne, Clarisse Loras qui vient de publier aux presses universitaires de Rennes sa thèse sur la construction d'un quartier urbain de ville ouvrière, Firminy Vert, à 10 km de Saint-Étienne. Elle y parle urbanisme du mouvement moderne destiné à éclairer ce qu'on appela là-bas la rue sans joie, un ruban monotone de taudis accumulés. Et puis justement, à propos de taudis, eh bien Maurizio Gribaudi, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, sera notre deuxième invité. Il est auteur aux éditions de La Découverte d'un livre justement qui fait le point sur ce qu'était le Paris ouvrier, Paris ville ouvrière, d'entre 1789 et 1848, une histoire occultée. Il nous expliquera pourquoi ce sous-titre. Nous avons eu l'époque des cathédrales, celle des grands cloîtres, puis l'époque des palais municipaux et nous en sommes à celle des palais ouvriers. La France réussira cette reconstruction ou la ratera. Elle doit la réussir pour inscrire dans son sol même les conditions d'un véritable socialisme. La France ne pourra pas continuer à faire du socialisme théorique, libérer l'homme dans les textes et dans les livres en le laissant enchaîné dans une vie de bagnard et de forçat. Voici ce qu'expliquait en 1945 le député Eugène Petit, dit Eugène Claudius Petit, celui qui avait pris Claudius comme nom de résistance. C'était en 1945 qu'il aurait bien voulu être le ministre de la Reconstruction de 1945. Il le sera en 1948, dans un deuxième temps, mais il s'exprimait ainsi à l'Assemblée nationale, donc l'époque des palais ouvriers. Et c'est sur cette question, Clarisse Loras, que vous êtes penchée à propos du cas de Firminy Vert, donc un quartier de la ville de Firminy que conquérera en 1953, donc pour la municipalité, que conquérera celui qui est déjà député, à savoir Eugène Claudius Petit, et qu'il voudra comme une sorte de passage, vous le dites en sous-titre, de l'utopie municipale à l'icône patrimoniale. L'icône patrimoniale, c'est ce qui est devenu ce quartier de Firminy Vert aujourd'hui, puisqu'il a été construit par Le Corbusier et certains de ses assistants, des architectes qui ont travaillé avec lui sur ce projet urbain. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire, Clarisse Loras, ce qu'était justement cette ville ouvrière de Firminy à 10 km de Saint-Étienne avant la Seconde Guerre mondiale, juste avant justement qu'on pense à aménager, à transformer de façon urbaine cette ville ouvrière? Oui, alors cette ville ouvrière de Firminy, avant 1953 et donc avant l'arrivée de Eugène Claudius Petit, c'est une petite ville de 20 000 habitants avec pas mal de constructions de taudis, pas mal de constructions assez insalubres. C'est pour ça qu'on l'appelle la rue sans joie, c'est ça ? Oui, tout à fait, la rue sans joie ou la ville noire aussi. Donc cette rue sans joie où l'industrie a pris toute la place et où les logements sont finalement ont les terrains les moins bons et où les habitations sont totalement désagréables pour tous les habitants. Donc il y a moins de 6% des habitations, par exemple, qui ont un cabinet de toilette, moins de 50% évidemment qui ont accès à l'eau directement. Donc cette rue sans joie dans laquelle arrive Claudius Petit, c'est un peu pour lui une dystopie dans laquelle il faut absolument tout changer. Oui, on vous dites dans les nombreux jeux de mots qui parsèment votre livre, parce que c'est assez particulier pour une thèse que d'avoir joué à ce point sur les mots, vous dites qu'on passe, avec Eugène Claudius Petit, on va passer de Firmini la physique à Firmini l'esthétique, puisqu'il va appliquer justement toutes les leçons du mouvement moderne à cette ville-là. Il faut peut-être présenter à nos auditeurs qui n'auraient pas eu la chance de le croiser, comme ça m'est arrivé il y a quelques temps, avant sa mort, qui était cet Eugène Claudius Petit, donc ouvrier ébéniste, apprenti ébéniste dans l'entre-deux-guerres, qui va progressivement, par les cours du soir, par la fréquentation de certains milieux, donc devenir un homme politique, Clarisse Loras. Oui, tout à fait. Il est né en 1907 à Angers. Très rapidement, il entre en apprentissage comme ouvrier ébéniste, puis poursuit son parcours par les cours du soir pour finalement devenir professeur de dessin. Et c'est le jeu des mutations qui l'amène dans la région lyonnaise, dans laquelle il va œuvrer ensuite comme résistant. Mmh. Et puis, à la sortie de la guerre, il va abandonner son poste de professeur de dessin pour se consacrer totalement à la politique et devenir député, puis maire, puis de nouveau député, mais cette fois-ci à Paris. Alors, Eugène Claudius Petit était un personnage étrange puisqu'il avait découvert dans les années 1930, et en particulier lors de l'expo de 1937, le pavillon des temps nouveaux de Corbusier. Il avait eu l'occasion de voir le Corbusier dans une conférence à Lyon en 1938. Et puis ensuite, en tant que militant chrétien, puisqu'il était à la Jeune République, il avait épousé à un moment les thèses de l'abbé Viollet sur le pionnier de la lutte contre l'habitat insalubre. Et de tout cela, il va faire une action politique, une action urbaine en particulier, à partir du moment où on viendra le chercher, comme le raconte la légende, pour diriger cette ville de Firmini en 1953, battre le maire communiste et reprendre la municipalité jusqu'à ce qu'il soit battu lui-même en 1971, Clarisse Loras. Oui, alors en fait, Eugène Claudius Petit fait une synthèse de toutes ses aspirations, donc le catholicisme social qui est un fondement et vraiment une clé de son action politique, puisque pour lui, on ne peut agir qu'en tant que chrétien, et cet humanisme chrétien est très très important pour lui. C'est un christianisme qu'il a choisi, il l'a évidemment reçu en héritage, mais ensuite il a fait ce choix de se tourner entièrement vers le catholicisme social. Il est très inspiré par l'abbé Viollet, par le mouvement de la Jeune République, vous l'avez dit, ce mouvement qui veut redonner un pouvoir un peu plus important aux maires d'un point de vue urbanisme. Et puis il est marqué par l'architecture moderne, par Le Corbusier, mais aussi par tous les architectes qui tournent autour de Le Corbusier, et pas seulement Le Corbusier, puisque par exemple à Firmini Vert, c'est finalement moins Le Corbusier qui est important que tous les architectes qui ont œuvré, que ce soit Marcel Roux, André Sive, Charles Delfante, qui sont les véritables mousquetaires de cette aventure de Firmini Vert. Alors, il espère, Eugène Claudius Petit, à la Libération, obtenir le poste de ministre de la Reconstruction. Ça n'est pas lui qui l'aura, c'est Raoul Dautry. Il perd une première manche, mais il se retrouve à ce poste-là en 1948 et il va immédiatement accélérer les feux, en particulier vis-à-vis de ce mouvement moderne, permettre de terminer la cité radieuse du Corbusier à Marseille, par exemple, la fameuse maison du Fada, mais aussi à Rezé-les-Nantes, et donc lancer ensuite ce programme de Firmini Vert dans une ville qui n'a jamais connu cette architecture moderne, du moins à une telle masse de bâtiments modernes, en même temps conçus de façon à peu près cohérente, donc à la périphérie de ce qu'était cette petite ville ouvrière. Oui, alors périphérie, c'est vraiment une toute petite ville, hein, donc ouais. C'est une périphérie, il ne faut pas proche. Imaginer. Oui, c'est pas voilà, une banlieue lointaine. Non, ce n'est pas une banlieue lointaine, c'est à quelques centaines de mètres. Donc voilà, c'est vraiment un quartier accolé à l'ancien centre. Mais effectivement, c'est une ville où on n'a jamais connu ça, puisque là, c'est d'un coup 1300 logements qui vont être bâtis en quelques années. Donc avec tous les procédés de l'époque, c'est-à-dire l'industrialisation du bâtiment, la préfabrication, la standardisation, donc et la volonté aussi de faire un quartier qui économiquement ne coûte pas trop cher, puisqu'on doit rentrer dans les fonds de la reconstruction. Donc il faut aussi tenir compte de ça dans la suite de l'histoire du quartier, parce que si ce quartier aujourd'hui est aussi parfois un peu mal vu, c'est aussi parce que toute cette construction a un budget très faible. Donc, notamment au point de vue de l'insonorisation ou de l'isolation des façades, bah, on est dans des budgets des années, de la fin des années 50, donc des budgets assez, assez faibles. Oui, mais néanmoins, il y a aussi peut-être une faute originelle, entre guillemets, c'est qu'on installe ce quartier dans un quartier qui était auparavant un quartier de jardins ouvriers. Donc évidemment, on enlève aux ouvriers parfois, ce qui ne va pas être très simple au tout début de la relation de Jeanne Claudius Petit et des architectes avec les habitants de Firminy, on leur enlève... aussi la possibilité d'avoir une subsistance par ces petits jardins ouvriers qui vont disparaître au profit de ces grandes bars, donc qui sont des bars HLM, puisque Eugène Claudius Petit est un des premiers à avoir voulu absolument remplacer ce qu'on appelait les HBM, les habitations à bon marché, à part des HLM, des habitations à loyer modéré, pour ne pas, c'est ce que vous expliquez Clarisse Leras dans votre travail sur Firminiver, ne pas, disons, concentrer simplement les pauvres dans les mêmes quartiers, mais avec un mélange, donc, entre pauvres et moins pauvres. Oui, tout à fait. Pour Eugène Claudius Petit, c'est une clé de la réussite d'un quartier, puisque pour lui, c'est un véritable quartier qu'il faut construire, et au-delà d'un quartier, une communauté. Il a l'idée que pour construire une communauté, il faut mélanger les populations, et donc il refuse effectivement, dès le début, de ne concentrer qu'un type de population, ou en tout cas qu'un budget à un endroit. Donc pour lui, il est très important de mélanger toutes ces populations, et pour ce faire, il va donc promouvoir les HLM. Les HLM, donc les habitations à loyer modéré, puisque pour Claudius Petit, il y a aussi une importance fondamentale, c'est qu'il faut que les ouvriers et au-delà toute la population française investissent dans son logement. Pour lui, s'il y a une telle misère du logement, c'est que les Français n'investissent pas suffisamment dans leur logement. Et donc, il enjoint en tout cas ses administrés à investir davantage dans leur logement et donc à accepter de payer un loyer plus fort, ce qui n'est pas simple comme vous le dites au départ, puisque un, on s'installe sur des terrains qui étaient des jardins ouvriers et que donc il faut jouer avec ces ouvriers et leur expliquer qu'on va construire des logements et qu'ils y auront probablement accès et que ça sera beaucoup mieux pour eux. Et deux, il faut leur faire accepter que le logement qu'ils vont désormais habiter, donc c'est dans ces HLM qui viennent d'occuper leur jardin ouvrier, que ces logements, pour ces logements en tout cas, il faudra payer davantage que les loyers qui jusque-là étaient pratiqués à Firminy. Donc il y a un double défi pour le maire, d'une part s'installer dans un terrain qui lui est hostile, et d'autre part faire accepter à la population cette augmentation significative des loyers. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement il fait appel, après avoir fait une mission de travail aux États-Unis avec Le Corbusier et d'autres, André Sive et Cochard et d'autres, après avoir vu comment les Américains construisaient de façon rapide des cités nouvelles, il fait appel au Corbusier, qui voit bien là la possibilité pour lui de réussir peut-être ce qu'il a raté à Alger ou dans d'autres endroits, c'est-à-dire une pensée d'une ville globale, puisqu'il va concevoir, dites-vous, une ville, Firminiver, qui veut aller de la maternelle jusqu'au cimetière. Alors Le Corbusier a l'espoir, effectivement, que Claudius Petit va lui laisser les mains libres et lui permettre de réaliser ce qu'il n'a pu réaliser ailleurs, c'est-à-dire une cité dans son intégralité, à la fois les logements, mais aussi les espaces publics. Or, ça ne va pas être le cas totalement à Firminy, puisque Le Corbusier va être appelé pour construire certains espaces publics, notamment une maison de la culture, un stade, et il va être appelé pour les logements, pour la partie logement, à construire seulement une unité d'habitation. Donc le quartier dans son ensemble, ce n'est pas Le Corbusier. Le quartier dans son ensemble, c'est d'autres architectes avec qui Claudius avait une amitié très forte. Parce qu'ils étaient dans la résistance avec lui, pour certains d'entre eux. Voilà, tout à fait, parce que c'est les réseaux de résistance qui jouent à ce moment-là. Et aussi des architectes qui sont un peu plus jeunes que Le Corbusier, qui ont moins de renommée que lui et qui en tout cas sont beaucoup moins polémiques. Et avec lesquels Claudius Petit a beaucoup plus, lui, les mains libres en tant que maire. Ce quartier, c'est avant tout le sien. C'est un quartier dans lequel il veut mettre toutes les idées qu'il n'a pas pu mettre en œuvre en étant ministre. Et donc, il choisit des architectes avec qui il peut réellement travailler. Il ne veut pas que Le Corbusier lui impose telle ou telle construction. Alors, on connaissait la figure de Claudius Petit quand on avait lu le livre qui lui était consacré de Benoît Pouvreau, par exemple, qui était une biographie assez forte, justement, du personnage. Mais on découvre à travers votre travail, Clarisse Leras, effectivement, cette ténacité, cette volonté, ce côté autocrate, démiurge, propagandiste aussi, qu'on peut dire, même si c'est un peu difficile de dire cela, parce que c'est un personnage qui était extrêmement sympathique par ailleurs, mais qui, d'une certaine façon, voyait ce qu'il voulait pour sa ville et, à partir de ce moment-là, voulait le voir mis en application de façon la plus proche possible de sa pensée d'origine, Clarisse Loras. Alors oui, c'est vrai que Claudius Petit a un peu ce côté propagandiste et un peu ce côté démiurge, puisque quand il arrive à la tête de la cité, tout de suite, il est très clair, il est là pour 18 ans. Donc trois mandats successifs, pour lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il va être là trois mandats et durant ces trois mandats, il va mettre en place la cité qu'il souhaite. Alors cette cité, c'est celle que lui envisage. Il fait des enquêtes, évidemment, à Firminy, mais c'est avant tout ses idées qu'il souhaite mettre en place sans forcément tenir compte du terrain ou des aspirations des gens. Je vous rappelle qu'à l'époque, la majorité des Français, comme d'ailleurs aujourd'hui, souhaitent avoir une maison individuelle. Et donc cet habitat collectif, ce n'est pas du tout le souhait que la plupart d'entre eux ont. Et pourtant, Claudius Petit leur propose cet habitat collectif tout en jouant sur le fait que dans cet habitat collectif, il va faire un quartier très très vert, avec on a très peu de vis-à-vis à Firminy Vert, justement, puisque les constructions sont majoritairement, pour certaines, en hauteur. Et surtout, ces constructions sont très espacées. L'espace est très grand. Il y a seulement 20% du territoire qui est construit et donc 80% d'espace vert. Donc Claudius Petit impose ce quartier-là, effectivement, à ses habitants et le vend aussi à l'extérieur, puisqu'il va tenter de faire un film sur ce quartier, tenter de faire des publications, que Firminy Vert va recevoir le prix d'urbanisme en 1961. Donc tout ça, c'est aussi pour promouvoir, cette architecture. Et son action, municipale. Et son action municipale, bien entendu. Alors, il y a aussi une dimension intéressante, c'est qu'on va parler tout à l'heure des enquêtes du 19e siècle avec Maurizio Grivaudi, quand il nous rejoint dans quelques minutes. Eh bien, en l'occurrence, lui aussi fait faire des enquêtes avant même de construire ce quartier, sur les manières d'habiter. Mais est-ce qu'il prend en compte véritablement le fruit et le résultat de ces enquêtes, qui sont le fruit justement en particulier de tous ces réformateurs sociaux qui étaient autour du mouvement du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme après-guerre? Alors effectivement, il fait faire une enquête par le ministère et notamment des jeunes formés au centre du ministère et formés par Robert Ozel qui parle d'habitat défectueux. Donc ils font des enquêtes comme partout ailleurs en France. Et dans ces enquêtes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois la notion d'insalubrité et à la fois la notion de sociabilité. Donc les deux sont très très liés et c'est pour ça qu'ensuite, dans le nouveau quartier qu'ils cherchent à promouvoir, on a une liaison très forte entre une morphologie urbaine, une morphologie de l'habitat et une morphologie sociale. Donc pour lui, les deux vont de pair. On ne peut, le bien-être ne peut passer que par un logement sain, selon lui et selon d'ailleurs la majorité des penseurs de cette époque. Alors après, est-ce qu'il va réellement tenir compte de cette enquête? Oui et non. Cette enquête, elle va surtout servir ensuite dans la promotion de sa politique, puisqu'on va sortir quelques chiffres de cette enquête dans le journal municipal pour dire, bah, vous voyez, la ville de Firminy en 1953, c'était une ville digne du Moyen-Âge, digne des enquêtes de Villermé au 19e siècle. Et aujourd'hui, on est sur autre chose. En 18 ans, l'action municipale a réalisé un pas de plusieurs siècles. Alors 18 ans, c'est bien quand on a trois mandats. On sait que les maires, parfois, en veulent encore un peu plus. Mais ça ne suffit pas pour aller jusqu'au bout d'un projet aussi titanesque que celui-ci. Vous expliquez que l'Église reste en plan et que à la mort de Jeanne Claudius Petit, eh bien, Jeanne Claudius Petit demande à son fils de reprendre ce projet d'église pour qu'il puisse enfin être terminé. Donc, et elle a été terminée en 2006. Et là, très curieusement, eh bien, il y a tout un changement vis-à-vis de cette ville de Firminy. D'abord, vitrine du mouvement moderne. Ensuite, assez décriée pour justement cette place que tiennent, entre guillemets, les grands ensembles dans l'imaginaire collectif français. Et ensuite, patrimonialiser, c'est là-dessus que vous terminez, avec la montée en puissance du patrimoine corbusien dans la France des années 2000, Clarisse Loras. Oui, alors c'est ce qui est intéressant pour cette petite ville, c'est que finalement le patrimoine qui était le plus décrié, c'est-à-dire les constructions de Le Corbusier qui ont été les plus polémiques au moment de leur construction, alors pas forcément à Firminy, mais globalement en France et même à l'étranger, c'est ce patrimoine-là qui est aujourd'hui le plus mis en valeur. Alors pour Firminy Vert, c'est justement ce qui est un peu problématique, c'est que ce n'est pas le quartier dans son entier qui est patrimonialisé, c'est bien seulement des objets architecturaux, donc les constructions de Le Corbusier avec tout le marketing qui va avec. Donc on oublie complètement l'histoire sociale de ce quartier et l'histoire ouvrière de ce quartier, parce que c'est finalement pas ça qui intéresse dans le patrimoine, pour ne montrer que des objets qui ont une esthétique particulière. C'est pour ça que c'est devenu ce que vous appelez une icône patrimoniale désormais. C'est-à-dire que, en gros, les Corbusiens du monde entier viennent faire le pèlerinage jusqu'à Firminy Vert, comme ils vont le faire à Chandigarh, par exemple, ou à Ronchamp. Oui, c'est ça. Oui, c'est une icône dans ce sens-là, effectivement, où on a des flots, alors des flots qui restent quand même à une échelle moindre qu'à Chandigarh ou ailleurs, puisque Firminy est une toute petite ville et est très à l'écart de tous les circuits touristiques. Mais en tout cas, c'est la volonté de Saint-Étienne Métropole, la communauté de communes aujourd'hui, de faire revivre ce patrimoine dans la recherche d'une nouvelle activité. Le but, c'est évidemment d'amener le plus possible de gens à venir visiter ce patrimoine, non pas pour l'architecture moderne en elle-même, mais surtout pour la manne éventuellement financière que cela peut amener. Maurice Ogribaudy, qui va intervenir dans deux minutes dans la Fabrique de l'Histoire, à propos de son livre Paris, ville ouvrière, vous avez écouté, ça vous rappelle quelque chose, ce qu'on dit d'Eugène Coluche-Petit, de ses enquêtes des années 50, par rapport à ses enquêtes justement des années 1820-1830, sur lesquels vous avez travaillé. Oui, ça me rappelle surtout la distance entre les enquêtes et la réalité ouvrière. Réalité, c'est-à-dire, pour la première moitié du 19e siècle, c'est tout à fait ça qui se passe. C'est-à-dire, il y a une construction progressive d'un savoir bourgeois sur l'espace ouvrier que, progressivement, justement, efface totalement la complexité de cet espace. Donc, c'est surtout ça pour le 19e. Et il n'a pas eu de chance, au bout du compte, dans cette ville de Firminy, Eugène Claudius-Petit, parce que vous dites à la fin qu'au bout du compte, il n'y a pas une rue, il n'y a pas un nom de place, il n'y a pas un monument Claudius-Petit, malgré ce qu'il a fait pour la ville. C'est parce qu'on lui en voulait, c'est parce que les municipalités suivantes n'ont pas digéré qu'il ait pris le pouvoir aux communistes en 1953. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque ce sont des communistes qui sont revenus ensuite en 1971. Oui, alors la prise de pouvoir aux communistes est très relative, puisqu'en fait, il y a un seul maire communiste avant Eugène Claudius-Petit. Donc Firminy n'est pas un bastion rouge, oui, comme on peut l'imaginer. Ensuite, le maire qui prend sa suite en 1971, communiste, vous l'avez dit, est surtout un ennemi de résistance de Claudius-Petit. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire politique locale, comme l'histoire politique nationale d'ailleurs, c'est que finalement, cette période de la résistance a des répercussions très très longtemps après, dans les années 70. C'est sur cette période de la résistance encore qu'on se base. Et donc, c'est les frictions de cette période-là qui vont faire que Eugène Claudius-Petit, aujourd'hui, est oublié, même s'il est enterré dans la cité. Si vous voulez voir son nom, il n'y a que sur sa tombe qu'il est inscrit. Et donc, on a une sorte de damnatio memoriae autour d'Eugène Claudius-Petit, mais qui est surtout, je pense, lié au réseau de résistance, moins pour l'action qu'il a pu porter à Firminy. Merci Clarisse Loras d'être venue nous présenter votre dernier livre, donc Firminy Vert, de l'utopie municipale à l'icône patrimoniale, avec une préface de Taline Termination, publiée aux presses universitaires de Rennes, qui apporte une nouvelle pierre à l'édifice du travail sur le mouvement moderne, en particulier en architecture, mais aussi des utopies urbaines autour du monde ouvrier. C'est aux presses universitaires de Rennes. Merci encore Clarisse Loras. Sur vous, ouvriers de charrie, batteurs en grange, vignerons, valets de ferme, bûcherons, l'usure étant sa main bourrue, la grande culture arrivant englobera l'opin chaumière. En avant la classe ouvrière en avant. Vous qui sombrez dans les déboires, marchands des bites en boutiquier, pour vous avaler par milliers, un mon souverain c'est de mâchoire. On nomme ce requin géant, féodalité financière. En avant la classe ouvrière en avant. commune te sera suivie. C'est le grand assaut pour le pain. Chacun doit manger à sa faim. Chacun doit vivre à pleine vie. Toi, drapeau rouge, flotte au vent. Salué de la terre entière. En avant la classe ouvrière, la classe ouvrière, en avant. En avant la classe ouvrière. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. En avant la classe ouvrière, la classe ouvrière. Il est 9h32 sur France Culture, vous écoutez donc La Fabrique de l'Histoire et nous sommes dans une semaine, nous commençons une semaine avec vous, Séverine Attard, bonjour. Bonjour. Sur l'histoire des ouvrières et des ouvriers au 19e, au 20e siècle, et essentiellement avec notre deuxième invité, après Clarisse Lauras en première partie de cette émission, et bien notre deuxième invité, on l'a un tout petit peu entendu, c'est Maurizio Gribaudi. Il vient de publier Paris vive l'ouvrière, une histoire occultée, 1789-1848, aux éditions de La Découverte. Tout de suite, la question que je vous ai posée juste avant l'antenne, pourquoi une histoire occultée en fait? Parce que tout compte fait, on a l'impression, quand on a lu Louis Chevalier, quand on a lu bien d'autres auteurs sur le 19e siècle, Jean-Louis Robert ou d'autres, et puis tous ceux qui travaillent sur la Commune, effectivement, que tout compte fait, on connaît cette histoire d'un Paris ouvrier au 19e siècle. Pourquoi serait-elle occultée, cette histoire? Ben, il y a plusieurs raisons, elles sont toutes très difficiles à expliquer en 2 minutes, mais globalement... Vous avez plus de 2 minutes. Hein, oui, d'accord. Disons que globalement, l'histoire occultée, c'est une histoire d'un mouvement qui naît à partir d'une structure même de la ville et à partir d'une expérience qui est enracinée au centre-ville. Et c'était cette expérience-là qui a été totalement occultée. Et c'est cette expérience, cette forme de développement d'une expérience qui est à la fois physique et sociale, relationnelle, mais aussi politique, qui donne lieu après, sur une vingtaine d'années, à la naissance de ce qui va être le projet de République démocratique et sociale de 48, finalement. Donc l'idée est que ce projet naît du bas et il ne vient pas de haut, et c'est là qui a été totalement occulté. C'est ce que vous voulez dire, c'est que jusqu'à maintenant, on a raconté ce projet républicain ou de République démocratique et sociale vu par le haut, vu par les réformateurs sociaux dont on a parlé avec Clarisse Lauras, mais pour le XXe siècle, et non pas vu par ceux qui, en bas, se sont fédérés, associés, oui, ont travaillé en fait, ensemble. Oui, en fait, c'est qu'on voit bien que quand on part du bas et quand on commence à travailler vraiment à un niveau de dynamique sociale, on s'aperçoit qu'il y a deux processus qui se jouent en même temps. D'une part, justement, l'histoire d'un parti républicain, qui est celui des élites, qui... en partie se popularise dans les années 30, mais qui reste toujours séparé du mouvement ouvrier, mais qui essaye de courir derrière au mouvement ouvrier. Et d'autre part, une expérience ouvrière qui se greffe sur d'autres types d'expériences et que petit à petit, par contre, lui, il développe quelque chose de totalement différent et qui après est happé par le mouvement républicain. C'est ça le problème. Séverine Attard. Et pour ce faire, alors Maurizio Gribaudi, pour étudier donc ce mouvement qui vient par le bas, vous travaillez, vous, et c'est ça qui est extrêmement novateur, enfin on va y revenir, vous travaillez au ras du sol, si je puis dire, au ras de l'immeuble, au ras du quartier, au ras du bâti. C'est-à-dire oui, vous allez utiliser l'espace, l'étude de l'espace et sa complexité, pour pouvoir travailler sur les individus, les idéologies, les mouvements politiques d'une certaine manière. Parce que vous ne parlez pas tellement des personnes, en fait. Hein. Vous parlez beaucoup de... Voilà, il y a énormément de topographie. Et dès le départ, vous dites, voilà, ce sera votre base de travail. Oui, au fait, tout le travail est né d'une impression de... au fait, que j'ai eu il y a une dizaine d'années, en fait. J'avais lu ce texte qui parle effectivement de l'espace ouvrier comme de quelque chose de totalement malsain, si vous voulez. Et dans les années 1820-1830, progressivement, on commence à parler de l'espace ouvrier comme quelque chose qui disparaît presque. Donc la question pour moi, c'était d'abord d'aller visiter cet espace ouvrier. J'ai commencé vraiment à travailler à ras le sol, comme vous dites. En marchant, juste, quoi. Oui. Oui, en marchant, oui, c'est vrai. Et d'abord, je suis allé physiquement aussi avec mes étudiants voir qu'est-ce que c'était cet espace, qu'est-ce qu'il restait de cet espace. Très peu de choses, évidemment. Mais après, je commençais à aller dans les archives pour fouiller. Et là, petit à petit, j'étais obligé de remonter jusqu'à la Révolution, d'abord, de découvrir qu'il y avait là aussi quelque chose d'énorme qui a été très peu étudié, c'est-à-dire les biens nationaux qui bouleversent totalement le centre-ville. Il le bouleverse aussi parce qu'à la Révolution, la ville est déclarée ville militarisée. Alors, c'est bien nationaux qui vont être vendus, il faudra peut-être expliquer, qui vont libérer un énorme espace à l'intérieur de Paris. Oui, en fait, c'est presque un tiers de la ville de Paris qui est vendu aux enchères, en fait, qui est passé de main. C'est tous les espaces qui étaient de la royauté, tous les espaces qui étaient des couvents. Donc, il faut penser que, par exemple, toute la rive gauche à Paris était un énorme couvent, ou bien qui était habité par les collèges, en fait. Donc, tout cet espace est passé dans les mains de promoteurs quand c'est dans la lisière de la ville ancienne. Mais dans la ville ancienne, puisque les couvents étaient nichés, enkystés à l'intérieur du bâti, ces couvents ont été lotis en petite partie. Donc, alors, vous avez travaillé, par exemple, sur le couvent de la Trinité, qui est le long de la rue Saint-Denis, avant la rue Réaumur, en remontant la rue Réaumur à Paris, et sur la droite. Et ce couvent de la Trinité, vous montrez, par un travail de cadastre, on peut dire, ça n'est pas autre chose, avec une extrême précision d'histoire microscopique au niveau du bâti, vous montrez comment en quelques dizaines d'années, eh bien, ce couvent de la Trinité qui respirait d'une certaine façon avec des cours, avec des jardins, etc., va être progressivement loti et que ça va devenir un lieu ouvrier, c'est-à-dire que ceux qui vont habiter ce centre-ville de Paris, donc considéré dans une logique néo-hippocratique comme un endroit malsain, un marécageux, trop bas pour pouvoir avoir le bon air, eh bien ceux qui vont y habiter, ce sont justement les pauvres, et que progressivement, avec la création des grands quartiers de l'Ouest parisien, mais aussi de la Chaussée-d'Antin, les plus riches vont quitter ces quartiers-là, les laissant plus ou moins seuls dans le centre-ville, avec de l'autre côté des réformateurs sociaux qui disent, eh bien, écoutez, ces miasmes, ce qui s'y répandent, il faudrait faire quelque chose contre ces maladies qui peuvent se répandre dans toute la ville à partir de ces quartiers ouvriers, Marotier-Ougrier. Oui, ben c'est un peu plus compliqué, au fait. C'est-à-dire, dans le centre, il reste aussi les riches. Ce sont de riches fabricants, ce sont de riches commerçants, mais dans le centre, surtout, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un apport ouvrier très, très important. Par l'immigration, en particulier. Par l'immigration. Et par le fait, je le répète, du fait que Paris avait été déclarée ville militarisée. Donc, pour l'effort de guerre, en 1792-1793, on a un énorme apport d'ouvriers, mais il y a aussi un changement dans la manière de construire, de fabriquer. Donc, il y a des changements techniques. C'est ça, peut-être, qui a été sous-évalué. C'est-à-dire, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a une révolution technique que André Guilherme a très bien étudiée. C'est un historien qui travaille sur l'industrialisation de Paris au XVIIIe-XIXe siècle. Cette révolution technique implique aussi un changement dans les structures de travail. De production. De production à l'intérieur du centre-ville qui était déjà un centre ouvrier, il faut le dire. Il y avait déjà les ouvriers, il y avait les artisans, etc. Mais ce qui se passe au début du 19e siècle, c'est qu'il y a une triplication, si vous voulez, du nombre d'ouvriers, du travail, mais aussi une spécialisation qui fait si qu'à l'intérieur de chaque bâti, à l'intérieur de chaque îlot, il y a ce qu'on appelle, en fait, c'est que des historiens congossais ont appelé la fabrique collective. C'est ça qui est la chose. La fabrique parisienne. Oui, c'est la fabrique parisienne, mais c'est aussi la fabrique collective de ces années-là. C'est-à-dire quelque chose qui produit avec différents ouvriers mis en relation, mais qui ne sont pas dans un contrat de travail avec un seul patron. Ils sont propriétaires d'eux-mêmes. C'est donc ça. On peut dire que le sentier est le dernier surgeon dans le 21e siècle. Oui, on peut le dire, oui, sauf que le sentier est organisé un peu différemment maintenant. Oui. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire ce type de quartier avec une mono-activité qui se complète, dont les fabricants se complètent, les fournisseurs sont sur le même lieu de travail. Disons qu'il y a la production de biens de luxe et de spécialisés fait par un nombre d'ouvriers qui travaillent chacun avec un savoir différent, mais que produisent des éléments qu'après on monte et en forme d'autres biens, en fait. C'est Brignata. Alors vous montrez aussi, Maurizio Grabaudi, à travers cette approche topographique, comment d'une topographie géographique, physique, c'est-à-dire qui étudie les espaces, les lieux et leur changement, on arrive justement à cette topographie morale qui va stigmatiser la classe ouvrière et la déclarer et la concevoir comme dangereuse, etc. Alors vous montrez avec des grands exemples comme Fraisier ou d'autres, mais aussi vous dites au lendemain de la Révolution française, ce n'est pas le cas. En fait, c'est vraiment une construction. Au départ, oui. On ne pense pas que la classe ouvrière, le social, l'individu aura une telle... Oui. Là aussi, c'est très important, mon sentiment, bien périodisé. En fait, on a souvent travaillé sur, par exemple, les hygiénistes, les topographies médicales, mais souvent, on a mis ensemble des textes du XVIIe siècle même, avec des textes du XIXe, pour construire un seul modèle. Au fait, en réalité, quand on se penche bien sur ces textes, on se rend compte du fait qu'après la Révolution et jusqu'aux années 20, jusqu'à la chaise... Jusqu'à 1830 même. Oui, disons qu'il y a un petit basculement qui se fait déjà dans les années 25-30, mais 1830, c'est vraiment le changement énorme, mais disons qu'il y a une première période dans laquelle les topographies médicales sont très attentives à la diversité et la complexité de la ville. On parle de Paris comme d'une ville qui est maintenant la ville du luxe, mais aussi ouvrière et industrielle. Ça ne fait pas peur, en fait, on s'interroge. Mais progressivement, disons, cette capacité, cette volonté de distinguer entre les différentes spécificités des quartiers, des gens et de la ville, disparaît, et surtout disparaît après deux énormes coupes vis-à-vis de l'image que la bourgeoisie avait, qui sont d'une part la révolution de 1830, une révolution que la bourgeoisie voulait et qui a fait jouer par les ouvriers. On a des sources qui parlent même de petits patrons qui donnent les fusils à leurs ouvriers pour qu'ils combattent pour eux. La bourgeoisie donc amène les ouvriers au combat, mais après elle se prend peur parce que ces ouvriers sont très capables de combattre, ils le font bien. Donc premier coup c'est ça, et le deuxième énorme c'est effectivement 1832. Le choléra. Le choléra. Le choléra c'est vraiment le deuxième coup. 18 000 morts, hein, c'est ça? Oui, je crois 16 000 quelques, je ne sais plus, mais vous avez le livre. Moi, j'ai, j'ai noté 18 000 morts entre février et septembre. Oui, alors vous avez raison, si je l'ai écrit, je l'ai contrôlé. mais c'est ça qui vraiment fait peur, parce que finalement, cet espace ouvrier qu'on voit de moins en moins d'une façon claire devient quelque chose qui tue et donc qui peut tuer aussi les riches, parce que les riches continuent à être quand même frisés les pauvres. Oui, parce que ce que disait Séverine, cette peur progressive va faire qu'assez rapidement, on va se dire, bien, tout compte fait, il faut faire revenir les plus riches au centre, même s'il reste des riches, oui. Il va falloir les faire revenir. L'intérêt municipal, l'intérêt général, l'intérêt politique exige dans l'état de nos mœurs que toutes les classes de la population demeurent répandues et entremêlées en quelque sorte dans tous les quartiers de Paris. On a l'impression de parler de mixité urbaine, ouais. Comme on le dit aujourd'hui encore. Oui, cette idée qu'il ne faut pas que les quartiers soient séparés, ghettoisés. Il faut donc que dans les mêmes quartiers, eh bien, on trouve des ouvriers, des patrons, des petits patrons, des grands patrons, etc. Et que tout le monde vive ensemble. Oui, ben là, il y a un gros débat qui démarre vers la fin des années 30, mais qui démarre aussi parce qu'entre 1830 et 1835, il y a eu des révoltes ouvrières. Mais enfin, là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a eu surtout, au fait, des grèves ouvrières. C'est-à-dire, après 1830, les ouvriers, déjà tout de suite après juillet, donc en août, commencent à demander une reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire donc une amélioration de leur salaire, une diminution des heures de travail, etc. etc. Modèle des canuts lyonnais. Exactement, même si le canut, effectivement, arrive un an après. Mais en fait, c'est le même type de question, en fait. Et ça part pour 4 ans de revendications ouvrières de plus en plus fortes, qui se jouent d'ailleurs en parallèle, et ça c'est très intéressant, avec les émeutes républicaines. Donc on a par exemple... Et on les a souvent confondus. Oui, on les a confondus, alors que si on regarde bien la périodisation, là aussi, on a en août 1830 les premières grèves ouvrières, coalition, qui continue jusqu'à novembre, et après, seulement après, il y a les émeutes républicaines qui essayent de récupérer ça. En fait, c'est ça qui, pour moi, c'est important. Quand on vous lit, Maurizio Gribaudi, dans votre livre « À la découverte », on se dit « Vive les SIG !» pour les historiens, les systèmes d'information géographique, « Vive la cartographie !» Parce qu'en fait, ce livre tient beaucoup, non pas simplement à toutes les sources que vous avez compulsées pour pouvoir l'écrire, mais aussi à la façon extrêmement pédagogique que nous donnent ces cartes que vous composez. Par exemple, on s'aperçoit en gros que pour ce qui est des ouvriers, c'est la rive droite. Oui, oui. C'est-à-dire que toutes les cartes montrent que tous les endroits où vivent, où travaillent, où se réunissent dans des goguettes, dans des guinguettes, sur les boulevards ou ailleurs, les ouvriers, c'est la rive droite. Et donc, tout compte fait, il y a peu de choses sur la rive gauche. Et puis, on voit aussi, c'est ce que j'ai cru lire en voyant les cartes en question. Et puis on voit aussi ces migrations des nouveaux quartiers vers lesquels on s'en va, les quartiers Saint-Georges, Chaussée d'Antin, le quartier du Roule ou d'autres quartiers de ce type-là, pour les plus riches les Parisiens. Oui, oui. Bon, ça, c'est effectivement quelque chose qui est connu d'ailleurs. D'une part, il y a effectivement depuis le début du 19e siècle l'essor de ce qu'on appelle les quartiers de l'Ouest. Donc Chaussée d'Antin était le centre de la nouvelle modernité pour les couches plus riches. Et en fait, c'était le centre des élites de l'Empire et aussi de la Restauration. Toute la finance était là, autour de la Bourse, d'ailleurs, qui est encore là, Palais Brongniart. Mais en même temps, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ce centre de Paris, c'est-à-dire de la rive droite, c'est lui qui devient quelque chose d'industriel et sous une forme nouvelle qui a été totalement oubliée. C'est ça qui est important. La rive gauche, par contre, à niveau ouvrier, elle existe aussi, mais elle est légèrement différente dans sa structure. Je n'ai pas trop insisté dans le livre sur cette partie de la ville, mais elle est aussi liée à la rive droite avec des liens tout à fait particulier. C'est brillant. Alors, richesse des cartes et apport finalement de la topographie pour nous expliquer un petit peu comment ce monde ouvrier vit et où. Mais vous montrez aussi combien d'autres sources sont utiles. Et on pense aux gravures qui, c'est celles que vous choisissez de nous expliquer, mais vont se mettre justement à dessiner des ruelles, des lacis, des quartiers ouvriers. Et puis la littérature, bien sûr. Et parler de Balzac, qui décrit certaines rues, certains immeubles avec une précision étonnante et qui participe justement à cette topographisation, comme on pourrait dire, cette manière de voir un Paris de décrire la ville. sous l'angle de la topographie. Effectivement, il y a deux phénomènes qui se passent. D'une part, il y a une progressive opacisation. Moi, je parle d'opacisation de l'espace central. À partir des stéréotypes qui sont des icônes qui se construisent. D'une part, effectivement, l'image de ce qu'on croit être le Paris populaire. Exact. Vous, ce que vous faites, c'est que vous dépiotez ces icônes-là et vous dites, regardez ce qu'il y a derrière. J'essaie de dépiotter ça, effectivement. Mais je dirais que l'icône du Paris populaire se construit en négatif par rapport à l'icône de la modernité parisienne. C'est-à-dire, il y a environ 150 textes de ce qu'on appelle littérature panoramique. Walter Benjamin a appelé la littérature panoramique. En fait, c'est des textes autoréférentiels de la toute petite partie de la population parisienne qui vit dans les grands boulevards et en fait, qui se pense au centre de la modernité. Mmh. C'est eux qui construisent progressivement aussi les images, donc les iconographies sur l'espace populaire. Et c'est là qu'est née aussi, par exemple, vraiment l'image d'un espace populaire qui est pourri, finalement, et qui est triste, isolé, etc., qui est tout le contraire de ce qui était. Insalubre, il était, probablement, bien sûr, sans probablement même. Mais la question est qu'à l'intérieur de cette insalubrité, il y avait une forme qui était active, dynamique et qui construisait un projet politique qui, à mes yeux, était vraiment fondamental. C'est ça qui a été oublié. Et le projet politique était l'association fondée sur l'idée, justement, que chacun est patron de soi-même. Donc, il n'y a pas une idée de classe. C'est ça qui est fondamental. C'était un mouvement ouvrier qui se sentait en égalité avec tout le reste de la société. C'est pour ça qu'il parle de fraternité à un certain moment. Alors, vous décrivez évidemment ce qu'on appelle la montée vers la politique, depuis Maurice Agulon et tous ceux qui ont travaillé sur cette question-là au 19e siècle. Mais moi, une des questions que je me suis posée en vous lisant, c'était que peut-on savoir justement de ce que vous décrivez? Vous le décrivez bien par le menu, mais de ce que vous appelez le relationnel populaire, puisque tout compte fait, toutes ces sources que vous nous donnez qui sont des sources écrites par des bourgeois de cette République, en particulier de 1830, Louis-Philippe Arnes, sont des sources qui sont biaisées, nous expliquez-vous. Mmh. Alors, il faut aller le chercher où, ce relationnel populaire, mais, ces relations entre chacun d'entre eux. Là, je vous renvoie à mon livre, lisez-le plus attentivement. C'est-à-dire, je plaisante. Je vois bien ce que vous voulez dire. Vous parlez des francs-maçonneries, des associations, de toutes ces relations de café, de goguette, de guinguette, etc. Oui. Mais tout compte fait, ce qui manque peut-être dans ce travail, c'est la chair et la parole ouvrière. C'est-à-dire que c'est toujours vu par les sources qui sont très nombreuses, mais qui sont un peu extérieures. Attention, c'est-à-dire, dans la première partie, j'ai essayé effectivement de prendre uniquement la parole bourgeoise, pour aller vite. Et donc, il y a toute une première partie qui reconstitue le regard que Paris, des élites, porte sur l'espace central. Mais dans la deuxième partie, j'ai surtout déconstruit l'espace. Donc, c'est là que la SIG devient fondamentale. Et pour moi, ça a été fondamental. Je ne connaissais pas. J'ai dû vraiment me former sur le tas. Et vous remerciez d'ailleurs ceux qui vous ont aidé. Oui, j'étais très aidé par un géomaticien italien, mais après aussi par l'IGN, donc avec qui maintenant je travaille. J'ai un énorme projet. Mais dans la troisième partie, au fait, c'est les sources qui essayent de ressortir la parole ouvrière. C'est vrai qu'il ça existe un peu. C'est-à-dire, ce que j'ai mis, par exemple, c'est des textes que j'ai trouvés aux archives nationales, pour la plupart, mais aussi dans d'autres archives, dans lesquelles on a des ouvriers qui essayent d'écrire, très maladroitement, c'est une orthographe qui est maladroite, si vous voulez, mais dès qu'on arrive à traduire cette orthographe, on voit qu'il y a une pensée complexe. Bien sûr, mais ce que je veux dire, ces sources sont quand même bien moins importantes que les autres. Donc, elles sont parcellaires, vous les montrez bien, mais simplement, elles sont beaucoup moins nombreuses que le reste. Et au bout du compte, on a l'impression d'une histoire en miettes, entre guillemets, c'est-à-dire par petits bouts de rue, par petits bouts de quartier, et donc avec l'impossibilité peut-être d'unir tout cela, alors que pour l'ensemble du Paris bourgeois, on a beaucoup plus de sources et il est beaucoup plus précis. C'est ça qui a d'ailleurs toujours posé problème. Quand je parle d'histoire oubliée, c'est parce que l'impact énorme des autres sources a poussé de centaines d'historiens à travailler sur ces autres sources, d'y camper, d'y rester. C'est ça qui est terrible. Nous y reviendrons sans doute mercredi, puisque en travaillant sur les questions, les problématiques de sociobiographie, d'autobiographie ouvrière. Bien sûr. Au XXe siècle, mais aussi au XIXe siècle. Et Michel Perrault, par exemple, qui a publié cet ouvrage sur Lucie Beau, le témoignage d'une syndicaliste, d'une ouvrière. De la fin du 19e siècle. Alors, c'est vrai que les témoignages, évidemment, il y en a moins que ceux des intellectuels et bourgeois, mais ils existent. Vous nous présentez d'ailleurs le reste de cette semaine, Séverine Attard, et plus particulièrement le documentaire de demain, qui va s'attacher à des ouvrières du début des années 1970 à côté de Nancy, c'est ça? Oui, alors, qui donne aussi, qui parle en tous les cas également du discours, de la parole des ouvrières, puisque. Donc, c'est l'histoire d'une grève d'ouvrières du textile qui rentre dans cette entreprise au milieu des années 60. La crise du textile arrivant, l'entreprise va fermer. Et donc, ces femmes, puisque c'est surtout à 90% une entreprise de femmes, décident de faire la grève et se battent pour leur emploi. Alors ça, c'est un peu inédit. Et puis, il y a tout un travail qui va être fait par la mairie de Chaligny au moment de la destruction de cette filature, au moment de la destruction travail d'une de histoire, mémoire, du travail de mémoire, et notamment un atelier d'écriture. Donc on est bien aussi sur la question de la parole des ouvrières, en l'occurrence. Et donc un petit extrait de ce documentaire qu'on écoutera demain dans la Fabrique de l'Histoire. Ben vous voyez, on qui travaille plus, t'as vu que c'est apprêté. Entrez, monsieur Machin. Bonjour. Annie Laurent arrive. Ouais, Annie Laurent va arriver. Alors, elle a vécu la grève. Ouais. Bonjour, Annie. Elle était en plein dedans, Annie. Annie, t'étais dans la grève, de la filature Annie Laurent, oui. J'étais dans la grève à pied, enceinte de mon fils. Alors, pour la marche. Comment ça se met en place, Annie Laurent, cette grève? Quel est votre souvenir, vous, entre collègues? Comment ça prend? Voilà, comment tout d'un coup vous dites, là, il faut faire grève, quoi. Disons, ça chauffait, ça faisait déjà quand même un moment, comme dit Jackie. C'était grève. Et puis bon, on avait un syndicat qui était quand même fort. Hein. Oui, ah oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Et puis les femmes qui étaient... Oui. Bon, ça s'est mis en place petit à petit, quoi. Il fallait faire absolument quelque chose qui marque le coup, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. À l'unanimité, tout le monde a été d'accord pour faire cette marche, quoi. Tout le monde en blouse, tout le monde 16 km à pied. Parce que c'est Tim qui avait repris. Mmh. Ah oui. Picotage industriel moderne. Mmh. Et qui n'était peut-être pas assez moderne par rapport à... Oui, oui. C'était pas une question de modernisme, c'est une question de... Jacques Boutron. C'est une question de salaire, quoi. Ils ont trouvé, à l'époque, ça commençait déjà à expatrier à l'étranger. C'était une question de revenus, c'est tout. C'était pour avoir... Oui, ça coûtait moins cher de faire le tissu. Bien sûr, parce qu'on sortait de la qualité. Hein. C'était vraiment du beau. Hein. Aujourd'hui, on dira un jeune à 5 heures du matin, mais vous êtes fous, là. Quand je raconte à mes petits-enfants. Tu te levais à 4 heures, tu étais allé à pied tout seul et tu n'avais pas peur d'aller dans la nuit. Je dis non, je ne pensais pas. Hein, c'est vrai, vous n'y pensez pas. Pourquoi nous habitions tout près? Oui, il y en a qui venaient des petits pays à côté. Il y en a qui venaient en vélo. En vélo, bouillettes, et les cartons devant pour ne pas avoir froid. Et pour voir, hein, ça, c'était pas toujours non plus. Non. Bon, on gagnait bien notre vie, mais. On travaillait. Mais il fallait y aller, quoi. Mm. Hein. C'était pour Aïdaï. On n'est pas mort pour ça. Non, mais... ça nous a forgés, parce qu'à 16 ans, on était vraiment adultes. Hein. Quand on voit les enfants à 16 ans maintenant, c'est plus le cas. Hein. Même à 20. À 16 ans, on était vraiment adultes, comme dit cette ouvrière de la Filoche, parce que ça s'appelait la Filoche, c'est ça. La Filoche, et donc votre documentaire s'appelle « Quand la Filoche, c'est Filoche », c'est ça. C'était quand la Filoche, c'est Filoche. La fin, effectivement, de cette histoire ouvrière, mais également la mémoire de cette histoire ouvrière dans cette petite ville. Et ce travail, parce qu'ils décrivent aussi leur travail dans la filature. Hein. Et donc, mercredi, nous aurons une émission autour du Métron, puisque c'est l'occasion qui nous est donnée de célébrer ce dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Donc, nous aurons une émission sur ce thème-là, avec des archives. Et puis, jeudi, nous travaillerons sur un des sujets que connaît bien Maurizio Gribaudi. Les enquêtes ouvrières, donc toutes ces enquêtes qui ont été diligentées souvent par des pouvoirs ou par des associations pour pouvoir étudier les ouvriers. Maurizio Gribaudi, vous dites « j'ai un autre projet ». C'est quoi votre projet, si on peut le savoir? Ben, c'est un peu la continuation de ce projet. C'est-à-dire, après avoir étudié à un niveau fin l'espace parisien, j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, donc, avec la BNF, avec l'IGN et d'autres groupes, on a monté une demande à NR, j'espère que ça aboutira, dans lequel l'idée, c'est effectivement... D'allocation de recherche, oui. Oui, avec l'idée de reconstituer l'espace parisien de 1789, 5 ans par 5 ans, avec tous les renseignements sur toutes les professions parisiennes jusqu'à maintenant. Et l'autre projet, par contre, parallèle et relié, c'est déjà en cours, c'est la reconstitution de l'espace français à partir des plans anciens, Cassini, et après l'état-major, 18e, 19e siècle. Ça, c'est aussi en cours. Et c'est un projet collaboratif, c'est ça qui me plaît aussi, finalement. Merci, collaboratif, associatif, comme ces ouvriers du 19e siècle que vous nous décrivez dans Paris, ville ouvrière, une histoire occultée à la découverte. Voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez. C'était donc Paris Ville Ouvrière à la découverte. On a parlé en début d'émission de Firmini Vert, de l'utopie municipale et l'icône patrimoniale aux presses universitaires de Rennes. Il faut citer aussi de Myriam Simon chez Parigram, Le peuple de Paris, une histoire en images de la grande révolution au Front populaire. On y parle entre autres de la Bellevilloise en photographie évidemment. Et puis la Bellevilloise, ça nous fait penser au remarquable travail sur ce sujet du Paris ouvrier des éditions Créafis qui ont travaillé sur la Bellevilloise, les jardins ouvriers, la banlieue, l'industrie en Seine-Saint-Denis. Tout cela, si vous pouvez le retrouver aux éditions Créafis, un éditeur un peu spécialisé sur ce domaine. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Emmanuel Mars-Duncan était à la technique et Anne Fleury à la réalisation.